possède la vision un peu laide. Docteur, on m'abuse, pouvez-vous m'aider? Sans trop en rajouter. Sac et mes tiroirs, je vis le jour et d'aventure. Un jour je viderai les lieux. le silence du matin au soir. Et comme une référence, cette chanson débile qui court en boucle sur la platine beaucoup trop souvent. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi.